On va donc poser la question maintenant à Linda Larbaoui avant de nous retourner vers notre reporter de guerre qui est Adrien Bokeh. Bonsoir à vous Linda Larbaoui. Et voilà donc le témoignage des militaires sur le terrain avec la descente sur le terrain d'un journaliste reporter pour nous faire vivre véritablement la réalité dans le Donbass plus précisément, où on nous a affirmé que la vie même n'était pas possible en permanence et que à tout va il y avait des bombardements de la part de l'armée russe sur la population ukrainienne. Et voilà donc grâce à Adrien Bokeh qui est descendu sur les lieux, on peut constater qu'on peut véritablement vivre d'abord normalement du côté dans le Donbass où la population, ou alors on va dire que la civilisation n'a plus peur des militaires dans le Donbass, tous sont nés et vivent dans un climat de guerre du côté du Donbass, contrairement à ce qui est publié par certains médias. Bonsoir une fois de plus, Linda Larbaoui. Bonsoir à vous, à toute l'équipe d'Afrique Média, nos téléspectateurs et vos invités, bien sûr. Ben, cette guerre a commencé il y a un siècle. La guerre contre la Russie n'a pas commencé hier. Et les Ukrainiens, ceux qu'on a appelés les Ukrainiens beaucoup plus tard à partir de la révolution bolchevique, n'étaient autres que des Russes. Et ils sont toujours des Russes. Ils parlent russe, ils mangent russe, ils s'habillent russe. Donc l'Ukraine a été une fabrication de tout simplement par l'Occident et par leurs alliés. Combien de fois j'ai expliqué, j'ai parlé, j'ai donné des éléments que nos téléspectateurs puissent aller faire eux-mêmes aussi quelques recherches pour approfondir ce que je dis. Lénine était financé par des banques américaines et par le banquier Jacob Schiff, qui était d'origine allemande, mais installé aux États-Unis. Et Lénine était à l'époque en Suisse. Donc, il a été financé par de l'argent américain. Quand on analyse très bien la chose et on écoute ce que M. Lavrov nous a dit quelques jours après l'éclatement de ce conflit, il parle de la guerre contre l'orthodoxie. Quand aussi Monsieur Poutine nous parle et il dit à une journaliste que ce qui se passe actuellement a démarré au lendemain de la chute de l'Union soviétique en 1991, quand on voit un peu ce qui se passe, cette guerre contre la Russie et cette propagande a un aspect religieux. Il y a un sujet qui n'est jamais abordé mais qui est très important. Les États-Unis, quand ils ont envahi les pays de l'Europe, ils ont mis le grappin dessus. Et on voit, je vais remonter le temps jusqu'à Charles de Gaulle, quand il a, après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est rapproché des Russes et il s'est rapproché avec Eisenhower, il s'est rapproché des Allemands pour faire une véritable paix. Donc là, qu'est-ce que nous avons quand nous regardons un petit peu la carte géographique? Eh ben, nous avons la France qui est un pays catholique, nous avons l'Allemagne qui est un pays protestant et les Russes qui sont orthodoxes. Mais il y a également dans le même secteur, dans le même endroit, vous avez la Turquie qui est musulmane. Ce sont des pays qui se sont toujours frités et à un certain moment il y a eu deux grandes guerres dont il fallait arrêter la mort des peuples de ces pays-là. Les États-Unis n'ont pas accepté, n'accepteront jamais le rapprochement de ces quatre religions. Si on prend l'exemple de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, le fait que ces deux pays se rapprochent, c'est-à-dire que c'est le monde sunnite et le monde chiite, arrête de se faire la guerre. Donc la paix est en train de revenir dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient. C'est la même chose qui se passe dans tout ce secteur-là de la planète. Si la guerre et si les peuples orthodoxes, protestants, musulmans, catholiques arrêtent de se faire la guerre et les gouvernements se rapprochent et investissent, ils commencent à aller vers des investissements commerciaux, tout ça, ça veut dire qu'il y a une paix qui s'installe. Les États-Unis, c'est des fabricants de guerre et c'est des vendeurs d'armes, déjà. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours contre la paix et ils vont vers des conflits. Quand on regarde bien ce qui se passe dans le monde, l'Inde a un problème avec le Pakistan par rapport au Cachemire. La Chine a un problème avec Taïwan. La Corée du Nord avec la Corée du Sud. Il y avait le conflit entre les Yéménites et les Saoudiens. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Le conflit, mais ces conflits ne sont créés que par les États-Unis. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Donc, pour revenir à cette guerre, qui n'a pas démarré hier, qui a démarré il y a longtemps, pour que les États-Unis puissent devenir un pays hégémonique important et qui domine, il fallait casser quatre empires. L'empire germanique, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire russe, de la Russie, du tsar. Et également les deux empires coloniaux, l'empire britannique et l'empire français. Et c'est comme ça que les Américains sont arrivés à dominer la mer Méditerranée, la mer Rouge, et de là, il y a la jonction de l'Indo-Pacifique et de l'Atlantique. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, c'est la survie des États-Unis. Les États-Unis se sont faits grâce à des guerres et grâce à des conflits. Donc aujourd'hui, ils accusent les Russes, alors que la population, j'aime pas dire russophone, je connais bien l'histoire de la Russie, mais la population russe dans le Donbass, on n'a pas pu changer la démographie. Mais concernant l'ouest du Donbass, ce sont des territoires que Staline avait récupérés en partie à la Roumanie ou à la Bulgarie même, voire la Moldavie aussi, il y a une partie de la Moldavie qu'on a donné à l'Ukraine. Donc ça, c'est une république qui a été fabriquée et fabriquée par l'Occident. Même Staline, après la Deuxième Guerre mondiale, s'il a récupéré des terres, c'était pour protéger un petit peu les territoires russes. Mais en réalité, ça a fait du tort. Les gens qui sont là, les gens qui habitent ces endroits-là, il y a des Polonais aussi, il y a des Lituaniens. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve dans les brigades nazies. C'est eux qui sont contre la Russie. Mais le reste, ce sont des populations russes qui ont subi le plus gros scandale que nous avons. Et Russia Today avait fait trois reportages dessus. Après la révolution colorée, la Euromaïdan, il y a eu l'orphelinat du Donbass qui a été fermé et on a transféré un peu plus de 2000 enfants. Et ben la Russie les réclame encore et il y a encore des recherches. Et la personne qui a été nommé par les Nations Unies pour les retrouver, et ben c'est carrément ceux qui l'ont employé qui se sont retournés contre elle et ils l'ont chassée de son poste. Puisqu'elle a été très loin dans les recherches, elle a découvert que ses enfants ont peut-être servi à des trafics d'organes. Je vous raconte cette histoire que j'ai pris, bien évidemment, je le répète encore, de Russia Today. Il y a eu les familles de ces enfants-là qui ont intervenu et qui les cherchent encore. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a voulu aussi changer la démographie par des massacres. On parle de 14 000 morts. Il y a peut-être plus parce qu'il y a des disparus aussi. Il y a ceux qu'on a emprisonnés mais qu'on retrouve pas leur trace. Les Ukrainiens qui ont pris le pouvoir à partir de 2014 ont fait beaucoup d'atrocités et là on ne peut pas parler des droits de l'homme. Si on reprend aussi la charte des Nations Unies, les droits de l'homme, tout ça, mais qui a fait ça? À quel moment? Ce sont les pays ceux qui colonisent, c'est les pays qui ont fondé des colonies, qui ont créé tout ça. Donc on va pas attendre que les Anglais ou les Français, voire même les Blancs d'Amérique, qui sont les Américains d'aujourd'hui, qui nous fassent des lois qui vont à notre profit. C'est faux ça. Ils ont mis des lois qui les arrangent, ils ont mis en place une charte qui les arrange, mais qui va à l'encontre de ce qu'ils ont appelé le tiers-monde. Et le tiers-monde, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est toute l'Afrique confondue. Et en 1948, tous ces pays-là étaient très affaiblis. Ils étaient très affaiblis parce qu'ils étaient soit colonisés, soit ils sortaient de la guerre comme la Russie. Donc les Russes devaient de l'argent aussi. Ça, c'est un chapitre qui est méconnu. À la révolution bolchévique de 1917, les banques américaines ont prêté de l'argent à la Russie, à ce qui est devenu après l'Union soviétique. Et cet argent, c'était jusqu'en 2017 que les Russes devaient rembourser. Donc la Russie que nous avons aujourd'hui, la Russie fédérale, ne pouvait pas agir comme elle voulait puisqu'elle avait des dettes et elle ne pouvait pas non plus sortir de l'euro, du dollar. Les choses ont changé, la Russie a pris des forces et puis à partir du commencement de cette opération spéciale, les Russes ont constaté et remarqué que le monde commence à en avoir marre de cette hégémonie américaine qui nous oblige à commercer avec le dollar, qui augmente les taux d'intérêt. Donc il y a des inflations partout qui pillent les richesses, qui empêchent les pays, surtout les pays pétroliers ou les pays de faire fabriquer leur propre carburant, de faire des transformations de leur matière première. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Russes deviennent puissants par l'opinion internationale populaire. Ils sont rejoints par tous ces peuples dans le monde qui veulent s'affranchir. Et puis il y a les États qui rejoignent aussi leur population. Ça permet aux Russes de dénoncer davantage ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer. L'agresseur n'est pas la Russie. L'agresseur, c'est l'Ukraine sous influence américaine ou otanienne, je dirais. C'est ça la réalité de ce qui se passe. Comme tous les génocides qu'il y a eu en Afrique, je remercie mon frère Béanzin de rappeler que l'Afrique a subi des génocides et on ne peut pas compter le nombre de morts. On ne sait même plus compter le nombre de nos morts et ça continue. Donc les Russes ne sont pas des agresseurs, ce sont des agressés et les Russes n'ont fait que se défendre et défendre les populations russes qu'on a données à l'Ukraine. Parce qu'il n'y a pas des droits de l'homme quand il s'agit d'un peuple. On décide de donner un territoire avec toute la population qui a dessus, sans rien demander à personne. Et les États-Unis, bien évidemment, ne disent rien quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, et ben là, ils mettent leur veto et ils demandent des référendums. Sachant que si on parle de la Crimée, par exemple, il y a eu un référendum en 1991 et le peuple s'était prononcé pour rester avec la Russie. Et ce référendum, il a été annulé. Là, c'est un exemple que je vous donne. Le Donbass, eux, ils n'ont pas eu le droit de faire un référendum. Ils ont eu le droit d'avoir une révolution colorée et suite à cette révolution colorée, on a commencé à les massacrer. C'est ça la réalité. Merci. Merci à vous, Linda Larbaoui. Afrique Média, le monde, c'est nous.